إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الناس اتقوا الله واشكروه على ما من عليكم به من إكمال شهر رمضان واسألوه أن يتقبل منكم ما قدمتموه فيه من الصيام والقيام وغيرهما وأن يغفر لكم ما حصل منكم فيه من تقصير وقد أمرنا الله بشكره في هذا اليوم العظيم فقال عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عباد الله قال صلى الله عليه وسلم كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى فأبدلنا الله سبحانه وتعالى بيومين العبد واللهو ويوم الذكر والشكر عباد الله ومن أعظم ما شرع الله في هذا اليوم صلاة العيد وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها حتى النساء فلا ينبغي للمسلم أن يتكاسل عن صلاة العيد وينعزل عن جماعة المسلمين اعلموا عباد الله أيها المسلمون أن الإسلام ليس بالتسمي والانتساب من غير استقامة عليه فإن للإسلام أركانا وشرائع وسنن فهو يشمل عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق فالمسلم من أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأدى أركان الإسلام الخمسة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسلم المسلمون من لسانه ويده وفي دمائهم وأموالهم وأعراضهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون أخلصوا أعمالكم لربكم وإياكم والشرك كبيره وصغيره فإن الصغير منه أكبر من كبائر الذنوب الأخرى وهو متشعب فيكون بالقلب ويكون باللسان وبالجوارح فوالله إن التفقه في أمر التوحيد والشرك من أوجب الواجبات ومع هذا تجد كثيرا من الناس لا يهتمون به وتوضيح ذلك في دروس أهل السنة والجماعة فاحضروها فاحضروا دروسها عباد الله إياكم والتهاون بالصلاة عن وقتها وقيامها في الجماعة فهي ركن الثاني من أركان الإسلام وإياكم والتهاون في بقية أركان الإسلام من الزكاة والصوم والحج، فإن كثيرا من الناس قد تهاون في التفقه فيهما وفيها وفي أدائها. أيها الناس، احذروا الجماعات الحزبية المبتدعة كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وغيرها من جماعات التكفير والجماعات الخوارج مثل داعش والقاعدة وغيرها من جماعات التكفير وجماعة الفساد، ولا تغتروا بكل ما ظاهره الصلاح. سئل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، أحسن الله إليكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم قوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الحديث: فهل جماعة التبليغ وما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين وما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور، فهل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق الهالكة؟ قال: الجواب: تدخل في 72، ومن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72. أيها الناس، غضوا أبصاركم واحفظوا أسماعكم وألسنتكم إلا من الخير، وطهروا قلوبكم من أمراضها. عباد الله، احذروا التصوير بأنواعه إلا لضرورة كالهوية وغيرها، فإنه من كبائر الذنوب، وصاحبه ملعون وموعود بأشد العذاب، وخصوصا في هذا الزمان مع كثرة استعمال الناس للجوالات وفيها آلات التصوير. فاحذروا عباد الله، لأن صاحبه ملعون وموعود بأشد العذاب يوم القيامة إذا صور ذوات الأرواح، فإن يوم القيامة يعذب صاحبه. فإن كثيرا من الناس اليوم يصبح ويمسي على التصوير لأبنائه وبنته في الجوال، وحفظ صور الذكرى في المناسبات وغيرها. أيها الناس، احذروا الإسبال في جميع الملابس، فإن من كان أسفل الكعبين للرجال فهو في النار. وعليكم بالتواضع، فإن الله لا يحب المستكبرين. واعفوا لحاكم أيها الرجال، فقد أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم فقال: اعفوا عن اللحى وقصوا الشوارب، خالفوا المجوس. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس، الله الله في الوالدين، الله الله في الوالدين، فقد قرن الله برهما بتوحيده، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبروا والديكم ولو بعد موتهم، ولا تعقوهم، وصلوا الرحم، فإن الله قرن قطيعة الرحم بالفساد في الأرض. فقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا تهملوا أولادكم وربوهم على السنة والأدب من الصغر قبل أن تصعب تربيتهم، والجأوا إلى الله بالدعاء لهم. أيها الرجال، أنتم قوامون على نسائكم، وأنتم مسؤولون عنهن يوم القيامة، فأعينوهن على الواجب وامنعوهن من المحرم، وتلطفوا بهن، لكن لا تجاملوهن في معصية الله ومخالفة أمره، فإنهن أمانة في أعناقكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وألزموا نساءكم بالستر والحجاب والابتعاد عن مخالطة الرجال والخلوة وكذا تنبهوا للاختلاط فإنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وكما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الترمذي وأحسنوا إلى نسائكم ولا تظلموهن وقد أخرجتموهن بعهد الله وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا تتهاونوا بأمر الطلاق لأدفاء الأسباب وتدبروا في عواقبه وتذكروا وصيته بحق المرأة كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا ويقول لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها وإن كره منها خلقا رضي منها آخر وهذا مصداق قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله أخرجوا هذه الفضائيات من بيوتكم واستبدلوها بالذي هو خير كتب السلف كصحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير ابن كثير وغيرها والدروس العلمية والأشرطة والكتب النافعة للعلماء ميتهم وحيهم وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة فذلك كله خير أيها الناس اعلموا من عندكم يعني علموا من عندكم العقيدة الصحيحة والسنة الثابتة واحذروا مما يخالفها من الشرك والبدع واحذروا من ظلمهم والاستهزاء بهم واحذروا الغش في سائر أعمالكم ومعاملاتكم وإياكم والفجور في الخصومات والتساهل بالأيمان والشهادات وتحروا الحلال واحذروا أخذ الرشوة وأكل الربا وأكل مال اليتيم فإنها من الكبائر الذنوب وهي أخبث المكاسب الموجبة لغضب الله ولعنته وناره اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله قد توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء يوم العيد لتذكيرهن وهي موعظة يستفيد منها الرجال إن شاء الله كان مما ذكرهن به ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهن قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم فأقول لكن يا إماء الله أطعنا الله ورسوله واحفظنا حدوده وقمنا بما أوجب الله عليكن من شرائع دينه وأطعنا أزواجكن وقدمنا طاعتهم على نوافل العبادات واتركنا الغيبة والنميمة أيها النساء إلزمنا بيوتكن ولا تخرجن ولا تخرجن إلا لحاجة وأنتن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة. وقال الله تعالى لقدوتكن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال في القواعد من النساء وهي العجائز اللاتي يئسن من النكاح لكبرهن وعدم الرغبة فيهن قال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة, يعني لا جناح عليهن أن يضعن يعني النقاب. أما الجلباب فتلبس الجلباب ولكن غير متبرجات بزينة بدون إظهار الزينة. فما بالكن بالشابة تتبرج بالزينة وهي محل فتنة والرغبة. فاستري أيتها المسلمة جميع جسدك ولا تبدي منه شيئا إن خرجت أيها النساء. افعلنا الجائز من الزينة وانظرنا في سيرة نساء السلف وإياكن والزينة المحرمة في الجسد واللباس, ولا تتقصدن تتبع الرخص, وإياكن من لبس الضيق أو الشفاف أو القصير أو اللماع أو الملفت للنظر من العباءات والملابس, واحذرنا من التشبه بالرجال والكافرات بالكافرات والرجال. وأيتها المؤمنات ربينا بناتكن على الحشمة والحياء فإن الحياء من الإيمان. أيها المؤمنات, وإن مما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه للنساء يوم العيد التصدق, فقال لهن تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهم لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرن العشير فإن الزوج يحسن إلى زوجته طول الدهر, فإن رأت منه خطأ واحدا قالت لم أر منك خيرا قط, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا يتصدقن من حليهن. فتصدقنا من حليكن وأموالكن وتفقدنا المحتاجين من الأقارب والجيران وغيرهم, وأبشرنا بهذه البشارة. فقال أخرج أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إخوتي تسامحوا وصلوا الأرحام ولو بالهاتف على الأقل, واستوصوا بالجيران خيرا, ولا بأس بالتهنئة. وقد كان السلف يقول أحدهم للآخر إذا رجعوا من العيد تقبل الله منا ومنكم, والتزموا التهنئة الشرعية. عباد الله, قد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج من طريق يوم العيد عاد من طريق آخر, فلا تنسوا هذه السنة النبوية. وإخوتي, وإن من البدعة تخصيص يوم العيد أو الجمعة لزيارة القبور أيا كان المقبور نبي أو صحابي أو قريب, فكما أفتى بذلك العلماء. أيها الناس, قد اجتمع في يومكم هذا عيدان, يعني عيد الفطر والجمعة, فمن حضر العيد لم يجد عليه حضور الجمعة ولكن يصليها ظهرا. وإنا لله وإنا إليه راجعون وإنا مجمعون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله لكم. Maintenant je vais traduire en français pour ceux qui veulent avoir la traduction. Donc ceux qui veulent profiter de la signification de qu'est-ce qu'on a mentionné dans la khutba de Eid d'aujourd'hui en français, alors je vais traduire pour vous, Inch'Allah. Ayyuhan nas, ô vous les hommes, craignez Allah et soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il vous a donné des bienfaits de ce mois, et demandez-lui qu'il accepte pour vous vos bonnes œuvres, tout ce que vous avez fait comme jeûne et comme prière de la nuit, et que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne tout ce qui vous est arrivé comme manquement durant le mois du Ramadan, et qu'il vous pardonne. Et réjouissez-vous dans ce jour et soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les gens de Médine avant l'islam, c'est-à-dire dans la jahiliya, ils avaient des fêtes dans lesquelles ils se réjouissaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous avez maintenant deux fêtes. C'est Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et toutes les autres fêtes que vous aviez auparavant, elles sont abrogées et annulées. Serviteurs d'Allah, parmi les plus grandes choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire durant le jour de Eid, c'est la salat de Eid. Et les musulmans sont tous d'accord sur le fait qu'il est légiféré de prier cette prière ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à tout le monde de sortir pour cette prière. Même les femmes, ce jour-là, doivent sortir pour la salat. Et donc, il ne faut pas être paresseux et retarder de sortir pour cette prière. Oh, vous les musulmans, l'islam, c'est pas seulement quelque chose qu'on se donne comme un nom, où on se dit musulman avec la bouche, mais il faut s'accrocher à l'islam sincèrement et suivre l'islam réellement et établir ses piliers et suivre ses règles. Et cela comprend l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'être bon envers toutes les créatures. Et le musulman, c'est celui qui a établi les actes d'obligation et qui s'est écarté des actes interdits, et qui a établi les piliers, les cinq piliers de l'islam, et qui a ordonné le bien et qui a interdit le mal, et dont le musulman est épargné de sa langue et de sa main dans sa personne, dans ses biens et dans son honneur. Oh les musulmans, faites preuve de sincérité dans vos actions envers votre Seigneur. Et faites attention à toute forme de shirk que vous pourriez commettre, que ce soit du grand shirk ou du petit shirk, un shirk majeur ou un shirk mineur. Parce que qu'est-ce qui est mineur dans le shirk? Eh bien, c'est plus grand que les plus grands péchés qui sont les kaba'ir. Et donc, les formes de shirk sont multiples et elles ont plusieurs branches. Et certaines formes de shirk ont rapport avec le cœur, d'autres avec la langue et d'autres avec le corps. Et donc, il faut faire des efforts pour étudier qu'est-ce qui a rapport avec la foi en l'unicité d'Allah et le tawhid, et à comprendre correctement ce que signifie le shirk et le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des plus grandes obligations de la religion. Malheureusement, on trouve que beaucoup de musulmans ne donnent pas d'importance à l'apprentissage et à l'étude de la science du tawhid. Et donc, il est important d'assister aux cours qui sont donnés par les gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah pour comprendre réellement la signification de ce sujet. Serviteurs d'Allah, accrochez-vous à l'application des prières dans leur temps, et en particulier de les faire en groupe, parce que c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Et prenez garde de faire preuve de négligence envers les autres piliers, comme le pilier de la zakat, ou le pilier du jeûne, ou du hajj. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, négligent ces piliers-là et ne font pas d'efforts pour les comprendre et les étudier correctement. Serviteurs d'Allah, également prenez garde aux différents groupes qui existent de différentes tendances de bid'ah et de partisanerie qui contredisent les fondements d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, comme le groupe de bid'ah qu'on appelle Jama'at al-Tabligh, ou le groupe de bid'ah qu'on appelle les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun. Et ne soyez pas trompés par ce qui apparaît comme bien, même si en apparence c'est bien, parfois il y a quelque chose qui est caché derrière, qui est la contradiction du Coran et de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est pour ça qu'on a posé la question au Cheikh Abdelaziz ibn Baz. On lui a demandé au sujet du hadith des 73 sectes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette umma allait se diviser en 73 sectes et qu'elle serait toute en enfer excepté une. Et on lui a dit, est-ce que Jamaat Tabligh et Al-Ikhwan al-Muslimoun font partie de ces 72 sectes qui sont menacées de l'enfer? Et le Cheikh, il a répondu, étant donné que ce sont des groupes qui ont beaucoup de formes de shirk et des formes de bid'ah, et également ce sont des groupes qui appellent les musulmans à se diviser et à désobéir aux responsables et aux dirigeants dans les pays musulmans, alors est-ce qu'elles font partie de ces 72 sectes qui vont périr et qui sont menacées de l'enfer? Et le Cheikh a répondu, oui, elles rentrent dans les 72 sectes qui sont menacées. Et il a expliqué la règle en disant, toute personne qui contredit un aspect de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah entre dans les 72 sectes. Ô vous les hommes, serviteurs d'Allah, baissez votre regard et préservez vos oreilles et vos langues et ne les utilisez que dans le bien et purifiez vos cœurs de toutes les maladies du cœur. Serviteurs d'Allah, prenez garde également à faire des photos et des images de qu'est-ce qu'il y a une âme, comme la photo des êtres humains ou la photo des animaux. Parce que ça, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdites, qui font partie des grands péchés, et dont la personne qui les fait sera maudite, et a été menacée dans les textes du Coran et de la Sunna des plus durs châtiments. Alors, ne faites de photos que pour une nécessité, comme par exemple un passeport ou les cartes d'identité. Ces choses-là sont des nécessités et donc sont excusables. Tandis que les autres photos que les gens font, eh bien, ça c'est des choses très graves et très dangereuses. Donc ne faites pas de photos, surtout avec vos appareils téléphones aujourd'hui, avec les smartphones et tout ça, il y a des caméras dedans et donc les gens prennent l'habitude de faire des photos et avec tout qu'est-ce qui existe comme fitna aujourd'hui, il faut faire attention à ça. Vous les hommes, prenez garde également à laisser vos vêtements traîner en bas des chevilles, parce que c'est un péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et il a dit, celui qui laisse ses vêtements dépasser la cheville, il est menacé que ce sera en enfer. Et également, soyez modeste. Allah n'aime pas ceux qui sont orgueilleux et qui s'enflent d'orgueil et qui sont fiers. Et laissez pousser vos barbes, ô vous les hommes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous l'a commandé. Laissez pousser la barbe et coupez vos moustaches. Ne ressemblez pas aux Majus, les Zoroastriens de la Perse, qui laissaient leurs moustaches et qui se rasaient la barbe. Ô vous les hommes, craignez Allah dans vos deux parents, craignez Allah dans vos parents, parce que Allah a ordonné d'être bon envers les parents après avoir mentionné le Tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Donc, craignez Allah dans l'obéissance à vos parents. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et votre Seigneur a décrété que vous ne devez adorer rien d'autre que lui et d'être bon envers vos parents. Donc tout de suite après l'unicité d'Allah, il y a l'obéissance aux parents. Alors faites une preuve de bonté envers vos parents même après leur mort, et ne soyez pas désobéissant envers eux, et gardez les liens de parenté. Parce que celui qui brise les liens de parenté, il est considéré comme celui qui a semé le désordre sur la terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Surat Muhammad, il mentionne ceux qui ont coupé les liens de parenté en disant de leur part qu'ils ont semé le désordre sur la terre. et qu'ils sont maudits à cause de ça. Et également, ne négligez pas l'éducation de vos enfants, de les éduquer sur la sunna depuis leur jeune âge, parce que par la suite, ça devient beaucoup plus difficile de les éduquer correctement lorsqu'ils sont devenus plus vieux. Et demandez à Allah son aide en invoquant et en faisant des invocations. Oh vous les hommes, vous avez une responsabilité, vous avez la responsabilité de vos femmes. Et Allah vous a donné cette responsabilité de vous préoccuper et de prendre soin de vos épouses. Et c'est une responsabilité qu'il vous donne. Et vous allez être questionné au jour de la résurrection par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez pris votre responsabilité envers vos femmes de la façon correcte? Et donc aidez-les à faire ce qui est obligatoire. Et interdisez-leur de faire ce qui est interdit. Et soyez doux envers elles, mais en même temps ne faites pas de compromis dans la désobéissance d'Allah et dans tout ce qui contredit son ordre et son commandement. Parce qu'elles sont un gage que Allah subhanahu wa ta'ala vous a remis et qui est accroché à votre cou et dont vous allez être questionné à son sujet au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, sauvez vous-même et vos familles d'un feu. » Donc le combustible sera les hommes et les pierres. Et il a été rapporté également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous des bergers. Vous êtes tous des bergers et vous allez tous être questionnés au sujet de votre troupeau. Donc le mari, il est comme un berger pour sa femme et pour sa famille. Et donc il sera questionné s'il arrive quelque chose. De la même manière que quelqu'un, s'il a un troupeau de moutons et que c'est un berger, et qu'on lui mange des moutons dans son troupeau, il va être questionné. Pourquoi tu as négligé de t'occuper de ton troupeau? Eh bien, la même chose pour ta famille et pour tes femmes. Et écartez-vous également de la mixité entre les hommes et les femmes, ou de rester seul avec des femmes dans des lieux clos. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul homme reste avec une femme dans un lieu clos, excepté que le troisième d'entre eux sera le shaitan. Et ça a été rapporté également dans plusieurs hadiths. Et soyez bons envers vos femmes. Ne faites pas d'injustice à vos femmes, parce que vous les avez prises avec l'engagement que vous avez donné à Allah de vous occuper d'elles, d'être bon envers elles, de les garder d'une manière convenable ou de les laisser partir avec bonté. Et donc vous devez ne pas négliger ces choses-là et ne divorcez pas vos épouses pour n'importe quelle futilité et n'importe quelle cause futile. Réfléchissez avant de décider de divorcer vos épouses et réfléchissez aux conséquences. Et rappelez-vous du conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à propos des femmes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez bons, je vous enjoins d'être bons envers les femmes, parce qu'elles ont été créées d'une côte. Et la côte, celle qui a été la plus courbée, c'est la plus haute des côtes. Et donc si tu essaies de la redresser et de la mettre droite, la côte, eh bien tu vas la briser, tu vas la casser. Et donc, si tu la laisses courber, eh bien, si tu la laisses telle qu'elle, elle va rester courbée. Mais si tu essaies de la redresser, elle va se briser. Alors, prenez garde de Yanni et soyez bon envers vos épouses. Et donc, il a dit également dans un autre hadith, ne détestez pas vos femmes. Si vous détestez d'elles un comportement, eh bien, vous allez aimer un autre d'entre eux, ses comportements, et agissez avec bonté envers elles comme Allah leur donne. Et si vous détestez quelque chose d'elle, eh bien peut-être que vous détestez quelque chose en elle et Allah vous donnera un bien dans ça. Et également, sortez de vos demeures toute chose qui pourrait causer de la fitna dans vos maisons, que ce soit les antennes paraboliques ou les antennes satellites ou autres qui vous ramènent dans votre maison toutes sortes de tentations et d'égarements. Et échangez cela pour des choses bénéfiques, comme des livres qui vous expliquent l'islam, les livres de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Bukhari et Muslim, et l'explication du Coran, comme Tafsir Ibn Kathir, et les livres et les cours des savants de l'islam. Changez ces choses-là pour des choses bénéfiques. Et apprenez, faites des efforts pour apprendre votre religion. Alhamdulillah, il y a des musulmans qui sont arabophones, ils comprennent l'arabe. Allah leur a donné la bénédiction d'être nés dans des familles où la langue maternelle est l'arabe. Et donc ça veut dire que vous êtes bénis d'une certaine façon. Utilisez et profitez cette bénédiction et apprenez votre religion. Parce qu'il y en a des musulmans, malheureusement, qui n'ont pas eu cette chance. Allah subhanahu wa ta'ala les a pas facilités dans ce sens. Et ils rêveraient de pouvoir connaître cette langue pour en profiter, pour apprendre leur religion. Et donc, réfléchissez et pensez à cet avantage que vous avez, à cette grâce, et profitez-en dans le bien. Et ceux d'entre nous qui n'ont pas encore appris l'arabe, eh bien qu'ils fassent des efforts pour essayer de l'apprendre, pour mieux connaître l'islam, pour mieux comprendre la religion d'Allah. Parce que c'est très important de la comprendre. Et également, apprenez votre croyance islamique, votre aqidah, et écartez-vous de tout ce qui vient en contradiction avec la aqidah de ce qui est établi dans les textes du Coran et de la Sunna, comme les formes de shirk et les formes d'innovation, et prenez garde à toute forme d'injustice et tout ce qui contredit. Et prenez garde également à la tricherie dans vos interactions, et prenez garde également à la perversité dans les disputes, et également prenez garde à prendre les serments à la légère. Cherchez qu'est-ce qui est halal et ne faites pas de corruption, ou ne rentrez pas dans les transactions avec intérêt, et ne mangez pas injustement le bien des enfants orphelins, parce que cela fait partie des grands péchés. Et donc faites des efforts pour ça. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des rappels le jour de Eid pour les femmes. Et parfois, il se tournait vers elles et il leur donnait une exhortation particulière en leur rappelant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour eux. Et il disait d'obéir à Allah et à son messager et de garder ses règles et ses commandements. Et d'obéir à vos maris et de leur obéir et de faire passer l'obéissance de vos maris par-dessus les actes surérogatoires. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme, même si elle veut faire des jeûnes supplémentaires durant l'année, elle doit demander la permission de son mari avant, parce qu'il a un droit sur elle. Et prenez garde également à la médisance et à parler dans le dos des gens, parce que souvent les femmes se laissent aller dans ce domaine, et donc ça c'est très grave. Et restez dans vos demeures et ne sortez que pour un besoin, quelque chose de très important, ou une nécessité ou un besoin quelconque. Et lorsque vous sortez, sortez avec un vêtement qui vous couvre et qui couvre vos parures et vos corps correctement et complètement. Sinon, écartez-vous de l'exhibition et at-tabarruj, parce que cela a été interdit. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur a dit dans le Coran, et restez dans vos demeures et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la période pré-islamique, lorsque les femmes exhibaient leurs atours en sortant dehors et montraient des parties de leur corps et faisaient la tentation aux hommes dans la rue. Donc ça, c'est des choses qui ont été interdites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même ordonné aux femmes qui sont plus âgées de faire preuve de chasteté et de ne pas enlever leurs vêtements pour montrer leur parure, et de faire preuve de chasteté et de ne pas s'exhiber. Donc si c'est le cas pour une femme qui est devenue vieille et qui a perdu tout espoir de se remarier et dont les hommes n'ont plus de convoitise envers elles, si c'est le cas pour elles, qu'elles doivent elles aussi se couvrir et s'habiller avec chasteté, alors que dire des femmes qui sont jeunes et dans la fleur de l'âge et qui, elles, sont une source de tentation. Donc elles doivent encore plus faire des efforts pour se couvrir que les femmes âgées. Et donc faites des efforts pour bien vous habiller, bien vous couvrir et distinguez-vous également des femmes non musulmanes. Et sachez que la pudeur, ça fait partie de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également ordonnait aux femmes le jour de Eid de faire des sadaqat, c'est-à-dire de donner en aumône et en charité. Et il disait aux femmes, donnez, donnez, parce que vous allez être le plus grand nombre de gens qui allaient être en enfer. Et une femme a demandé au messager d'Allah, pourquoi est-ce qu'on va être le plus grand nombre en enfer? Et il a dit, c'est parce que vous êtes ingrate envers vos maris. C'est-à-dire que si l'un d'entre vos maris fait quelque chose, ou bien vous n'aimez pas quelque chose de ce que votre mari a dit ou a fait, eh bien, la femme, elle dit, tu n'as jamais rien fait de bon, de toute façon. Donc, ça veut dire que elle renie, elle est ingrate envers son mari et elle renie le bien qu'il lui fait. Et à cause de ça, les femmes seront le plus grand nombre en enfer. Mais ça ne veut pas nécessairement dire, bon, tous les détails de ça, c'est des explications plus détaillées, on pourrait y revenir une autre fois. Mais sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donnez en sadaqa de vos bijoux et de ce que vous avez, et les femmes ont commencé à donner de leurs bijoux. Et donc, donnez pour ceux qui ont des besoins, donnez pour vos proches, donnez pour vos voisins, qui sont dans le besoin, qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin de votre support. Et aidez-les dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également aux femmes, si vous priez vos 5 prières obligatoires et que vous jeûnez le jeûne du Ramadan et que vous préservez vos parties intimes, eh bien, et que vous obéissiez à votre mari, eh bien, on vous dira au jour de la résurrection, entrez par la porte du paradis que vous voulez. Donc ça, c'est ce qui a été promis à la femme musulmane si elle obéit à son mari et qu'elle fait le bien. Gardez les liens de parenté. Et le jour de Eid, vous pouvez vous saluer et vous féliciter les uns les autres en disant Taqabbalallahu minna wa minkum. Et également, lorsque vous êtes venu par un chemin pour venir à la mosquée pour l'Eid ou à la Musalla, eh bien, lorsque vous retournez, prenez un chemin différent. Ça fait partie de la sunna aussi. Et également, pour terminer, il ne fait pas partie de la sunna de choisir le jour de Eid pour visiter les cimetières. Ça, c'est une innovation que les gens ont pris l'habitude de faire et ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la sunna. Et pour terminer, rappelez-vous une chose aussi qui est importante, c'est que si vous avez fait l'Eid le jour de Jumu'ah, eh bien, il y a deux fêtes ce jour-là. Il y a l'Eid et maintenant, plus tard, il y aura le Jumu'ah. Dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire à ceux qui ont assisté à la prière d'Eid d'assister à la prière de Jumu'ah. Ils sont excusés de faire la prière de Jumu'ah. Toutefois, ils doivent le remplacer par la prière de Dhuhr. D'accord ? Donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم الله فيك استمع الله بكم بكم بكم Qu'Allah te préserve. Amen. Et toi aussi. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Barakallahu minna wa minkum. Allahu lana wa lakum ma sha Allah. Amin. Barakallahu minna wa minkum. Allahu lana wa lakum. Barakallahu minna wa minkum akhi. Barakallahu fik. Amin. Barakallahu minna wa minkum. Wa qiyamana. Amin. Salatna Allah. Barakallahu fikum ma sha Allah. Assalamu alaykum. Barakallahu minna wa minkum. Wa I'm sorry, I didn't translate into English. And it took some of it. Okay, good. Alhamdulillah. Barakallahu feek. Atakarallahu minna wa minkum. Tatabbarallahu minna wa minkum. Wa ghafara Allahu lana wa lakum. Wa feek barakatuh al-kareem. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tatabbarallahu minna wa minkum. Wa ghafara Allahu lana wa lakum. Je m'excuse, j'ai fait un peu trop long la khutbah. Non, non, alhamdulillah. Salam alaikum. Aïe Mubarak. Taqabbalallah minna wa minkum. Wa ghafarallahu lana wa lakum. Alhamdulillah. Taqabbalallah. Abdul Samad. Comment est-ce que Alhamdulillah. Barakallahu feek. Isa, assalamu alaykum. Naam, Eid Mubarak. Allah minna wa minkum. Barakallahu lana wa lakum. Ça s'est bien passé, hein, finalement. Alhamdulillah. Abdurrahman. Eid Mubarak. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مبارك. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. عليكم ماش لقاطولة. السلام عليكم. مبارك. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. سمعي من شيء فوق. On est, on se réjouit, on est content. Regarde, on parle, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Tu connais, regarde, je vais te présenter à Oussama. C'est notre Égyptien. Adam Misri. Là, là, où est Misri? Là, tu t'as tardé. هو درس في المدينة. نعم. هو إن شاء الله سيعود بإذن الله. ما شاء الله. هذا مصري مولود هنا برضه. إيه ما شاء الله. إيه خلاص. يوسف الله. من القاهرة. هذا المصري كذلك. بارك الله. تعود. بارك الله فيك. عيد مبارك. تقبل الله منا ومنك. يوسف. السلام عليكم. عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم. وغفر الله لنا ولكم. ما شاء الله. مندينجا. السلام عليكم. وغفر الله منا ومنكم. وغفر الله لنا ولكم. اي نعم جيد. شو غصام سعودي فريمون. ويت هو. تجير سعودي. السلام عليكم ورحمه الله. عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم. مندوب النهارده من من رئاسه الجمهوريه. نعم نعم. بارك الله ما شاء الله. بارك الله فيك. رب العالمين. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عيدكم مبارك. Je voulais demander. Oui. C'est pas un examen européen, non? Non, on n'a personne qui le sait comment le faire comme il faut. Okay, okay. Non, malheureusement, on ne le fait pas. Hey, Moubarak, comment ça va, Adam? Hein, taqabbal Allah minna wa minkum. Ça va bien? Bon, mashallah. Si j'en connaissais, moi je serais le premier à les faire. Hein? Salam alaikum. Hey, j'ai failli mettre mon vêtement tunisien aujourd'hui. Oh, mashallah, la princesse. Oh, c'est le Eid aujourd'hui. Eid Mubarak. Abdurrahman, ça c'est ma petite fille. Tu vois? Ça c'est Abdurrahman Salma. Bien, je vais aller voir Mukhtar. My brother Mustafa. Salam alaikum. Il manque juste Issa de Toronto là. Number de Mukhtar, El Mubarak, taqabbal Allah minna wa minkum. Yahya, taqabbal Allah minna wa mink. Aidi. Naam. Safa, Safa Yahya. Barakallahu fik Yahya. Mashallah. El Mubarak, taqabbal Allah minna wa minkum. Oui, hein.